voiles au mât de leur dracard et des cases de poils sur leur tête de barbare. Ils exterminaient les hommes, ils violaient leurs fleuves, ils ont semé la mort jusqu'aux rives de Terre-Neuve. Ils ne connaissaient pas la dépression ni les psychologues, ils ignoraient le suicide et l'abus de drogue. Du fond de leur immoralité, ils étaient heureux, ils massacraient avec l'assentiment des dieux. Sans remords, ils se livraient à leurs exactions, ils n'avaient en tête que la... J'ai hâte que ma masse effoire ta face. Ça va être trash. Ça va faire splash. Tu vas regretter aussi boire d'être sorti la plante de ta mère. J'ai hâte que tu saignes, j'ai hâte que tu gênes. J'ai hâte de t'ouvrir la banque pis que tu vois ton banc créance. C'est fini pour toi. C'est fini, tu vas crever. C'est fini, t'es plus rien. Va te donner à manger à mon chien. Tu vas plus, tu vas sentir le mal. Meurs, mon hostie. Leurs dracards ont coulé, mais la fascination pour le sang subsiste. Il coule du petit écran, il inonde les romans, il macule les pages du Photopolis. Comme un taureau excité par le torero, l'homme se rue dès qu'il voit du rouge vermeil. Sa vie est plate, il porte la cravate, mais au fond de son âme, le barbare sommeille. M'a défrustré sur toi. Ça va me faire du bien. La steam va sortir. Tu vas souffrir pour mon plaisir. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Dans l'enfer, hein. J'ai hâte que tu pleures, j'ai hâte que tu meurs. J'ai hâte que t'agonises pis que tu me dises arrête, man, please. Tu vas plus jamais pisser avec ta graine. Tu vas plus jamais chier de merde. Tu vas plus jamais te branler. T'étais une honte pour la société. Fuck you, man. Fuck you, stay. Le Canadien marche dans les rues de Saint-Jean en simulant le civisme et en forçant des sourires polis. Mais au fond de son âme, il rêve de sang et de flamme. Il fait couler le sang de l'ennemi. Le Viking n'a jamais vraiment quitté le sol canadien. Il dort dans le cœur de chacun de nos concitoyens. Monsieur était pas gentil, hein? Monsieur avait des choses à nous dire. Ça doit faire du bien faire une chanson comme ça, là. Interpréter ça devant un public, cracher ça tous les soirs. Quelle chanson qui défoule, hein? Destruction! Hein? Destruction! Ah, c'est mes écouteurs. C'est la technique vient de nous flancher sous les oreilles. Non, les gens l'ont pas senti, c'est juste toi. Oh! Alors, nous allons rendre hommage à Saint-Préfère. Non, non, c'est Jacqueline. Non, non, hey, arrête les non-non. Sinon, on recommence. Oh, s'il te plaît. OK. On s'excite pas? Non. On se repose? Oui. On prend une grande respiration? OK. C'est quoi, c'est une respiration? Oh oui, attends, moi c'est étrange, moi, là. Je suis pas comme tout le monde, moi. J'ai jamais été du monde. Je veux pas être comme lui, là. Elle, là. Eux autres, là. Tout le reste. Les gens normaux. Hein? Vas-y, ça va? Oui, comme ça. Supervision. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ben, en sortant, là, hier, parce qu'on m'a envoyé dans une maison, on dit repose-toi. Repose-toi, prends ton temps. Non, les numéros 1 ont le droit de broncher. Ti-Jésus, pas le grand, le Ti-Jésus. J'ai jamais rencontré le grand, moi, Jacqueline. Ben, moi non plus, mais je crois que c'est dans l'imaginaire du peuple. Le Ti-Jésus existe. Oui, mais pas le grand. Eh, si, on n'a jamais dit le grand Jésus, hein? Il est toujours petit. Ah, il est petit. Moi, là, je vais te le dire, ma petite Jacqueline d'amour. Il est tellement petit que je le file dans ma poche. Je le fais glisser, puis là, lorsque j'ai besoin de lui, je le sors, puis là, je le regarde, je dis, Ti-Jésus. Il me dit rien, là. Ti-Jésus, reste avec moi. Là, je le remets dans ma poche, puis je m'en vais. Je peux rester 2-3 semaines avec Ti-Jésus, puis je donne rien à manger. Ben, ouais, il va mourir. Ben, il est déjà mort. T'as commis un crime. Mais moi, personnellement, peut-être pas. Là, il m'a dit, pardonnez-moi, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, c'est ils font. C'est pas les marionnettes. Ah, ça, c'est la chanson de Christophe. Ainsi, font. Non, lui, c'est... Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et tu peux... Ti-Jésus dans ma poche! Ah, mon Dieu, un autre malade, on va encore l'envoyer là-bas. Non, mais Ti-Jésus, laisse faire le petit Jésus. Il est dans ma poche. Ben oui, on le sait. On l'a jamais vu. Ben, personne, hein, c'est tout dans la tête. Attends, à l'extérieur, on le voit pas, il apparaît. Moi, il est ici, partout, il est moi, il est doué dès le matin, toujours bon, amour et mon amour, amen. Alors, merci. Saint préfère. Non. Les hommes préfèrent les côtes du Rhône. Et les femmes? Ah, les femmes. Oh, les femmes. Oh, les femmes. Mais vas-y, mais je suis pas inspiré, là. Oh, les femmes. Oui, mais les femmes. Les femmes. Mais qu'est-ce que... Si ça préfère les femmes. Les femmes. C'est ça, là. Elles, là. Femme, viens de voir le jour. Femme, sur ton meilleur jour. Femme, fais-nous jour de la vie, tout et tout, bali, on te fait confiance. Femme. Non, c'est pas ces femmes-là, là. C'est les femmes qui cultivent. Les femmes qui labourent. Eh, moi, là, amène-moi ça à une. Qui labourent, non, qui cultivent. Oh mon Dieu, elle cultivera pas ton intelligence, toi, là. Elle peut pas faire avec ce qu'il n'y a pas, là. Commence par semer des graines, ouvre quelques livres, là, dépoussière ton esprit. Lave ta tête de tes préjugés. Oh mon Dieu, ouais, moi, mes préjugés. Ouais, mais tes préjugés. Et oui, préjugés. Juger. Ben, juge pas, mais avant de juger, il faut connaître. Oui. Sinon, tu n'en auras pas de préjugés. Oh, ça veut dire avant. Ben oui. Tu sais pas ce qui se passe, mais tu juges. C'est ça, un préjugé. Arrête-moi ça, toi, tu me mets dans le liquide. Est-ce du Saint-Préfère, Côte-du-Ronde, Clos Batus, Cécile et monsieur? Je veux faire carrière. Dans la vigile, je veux être un vigile. Oh, un vigile pas très agile, puisque je veux marcher sur le raisin. Si on peut me trouver une carrière, un emploi, quelque chose pour proposer le vin et pour l'annoncer au peuple, je suis sûr que les gens aimeraient ça. Là. Oh, regarde-moi ça, le talent que j'ai, là. Hein? Sainte-Préfère, Claude Mathieu, Cécile, 211. C'est pas 211, c'est 2011. Oh mon Dieu, je pensais que c'était la 211e bouteille. Ben là, qu'est-ce que t'as fait? Je m'ai encore débouché, moi, là. Parce qu'on me dit, lorsque vous allez ouvrir la bouteille, placez votre nez au-dessus. En dessous? Non, en dessous, c'est sous la jupe. Ah, non, c'est le regard. Tu places le regard sous la jupe et tu descends rapidement la bouteille pour te la placer sous le nez. Hey, c'est mêlant, ce sous-sûr. Avant d'être sous, c'est sûr que tu dois la prendre, la bouteille, oui. Après la troisième, là, tu t'imagines qu'il y en a une trois. Il n'y en a jamais eu trois, il y en a juste eu deux. Là. Mais là, où est la troisième? Oh, elle apparaît. C'est comme dans le désert de Sahara. Là. Ça a peine la peine. Hein? Ça ne vaut pas la peine de tourner ceux qu'on s'aime pour aller déboucher des phoques sur son nez. Ça fait rire les enfants. Ça fait plus rire grand monde. Quand c'est noir de monde. En fait, là, c'est pas le monde qui nous intéresse, là, c'est le saint préfère prier pour nous. Es-tu sûr que c'est pas Prévert, toi, là? Prévert, c'est une chose, c'est Jacques. Jacques, est-ce que tu connais Jacques? Ben, je connais Jacqueline, qui était ma persévérante admiratrice. Oh! Elle a flanché, elle a lâché l'environ, elle nous a quittés, et puis depuis ce temps-là, elle se porte beaucoup mieux. Et toi? Moi, pas du tout. C'est pour ça que je suis dans le domaine de Saint-Préfet, Côte-du-Ronde, Côte-Bélatus, île 2011. Oh mon Dieu! Il paraît que 2011, c'était très, très beau. Hein? 2012, c'est encore meilleur. On a rencontré des gens extraordinaires en 2012. Ah, oh, il va pas radoter. Ah, ben il fait souvent, lui. Surtout à la fin de l'émission, on dirait qu'il se souvient plus, là. Fait penser à mon oncle. Rose-Aimée Arthur de Gagnez. Oh mon. Un homme là, qui disait « Ah, c'était moi, c'était pour toutes les occasions, ah, c'était moi. » Oui, mais la première radio, « Ah, c'était moi. » Oui, mais l'animateur là, qui était « Ah, c'était moi. » Ben oui. T'as chevauché dans ta tête, mais pas vraiment dans la réalité. C'est ça l'important, c'était moi. OK. Non, mais il ne faut pas les contrarier, ceux-là. Hein? C'est comme les animateurs de radio à cette heure-ci. Là. Oh, monsieur. Alors là, il ne faut pas se tromper entre la Côte-du-Rhône et le Bordeaux. Faut demander à Brigitte Bordeaux. Non, c'est pas Bordeaux, c'est Bordeaux. Bordeaux. Non, c'est pas Bordeaux, c'est pas porno, c'est Bordeaux. Je connais rien là-dedans, moi, le vin, là, Brigitte Bordeaux. Quelle année, Brigitte Bordeaux? Non. Champion. Monsieur, pouvez-vous... Okay, ouais, oui, on peut lui expliquer? Oui, OK. Après l'émission ou avant? Je crois que si c'est avant. OK, merci. OK, merci. Ouais. On l'a laissé aller. C'est comme l'oiseau qui pique en haut du nid. Hein. Pique, descend. Pique. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Ben, je viens d'envoyer quelques crachats dans le micro. Je crois que ça va faire un électrochoc. Ben, le début de l'émission est un peu comme ça. Hey, c'est, vous saviez, hein? Ça se sent. Oui, ça se sent. Ça, c'est cuvé 2010. Oh, monsieur. Peux-tu le tordre? Non, pas encore, là, parce qu'on va nuire à l'émission. Ben, ça fait déjà 7 ans qu'on nuit de minuit à 2. Ben, on n'était pas là avant, c'est vrai. On nuit en général. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. J'ai oublié de coller la prothèse. Qu'elle me prothèse et qu'elle ne descend pas avant la prochaine chanson. On va faire une petite prière, s'il vous plaît, pour que par la divinité, elle reste collée d'une manière instantanée jusqu'à l'orée. L'orée, jusqu'à l'eau. Non, pas l'orifice, mais l'orifice, oui, du pot de colle. Parce que tu vas appliquer de la colle sur la prothèse pour qu'elle me prothèse afin de ne pas la voir descendre. OK. À quoi bon faire cette... Hey, tu t'en es sorti. Merci beaucoup. Non, mais là, ça ne demande pas. Là, c'est pas un junior qui va faire ça. Là. C'est un professional. Et le professional, c'est pas moi. C'est vous. Hey, c'est bien ça. T'es comme Pierre. Vous voyez, voyez nous, voyez sous la Bordeaux, Bordeaux. Ça, c'est le Bordeaux. Vois-tu me lâcher, Bordeaux, je connais ça, moi, le vin, là. Dans le sommelier de deuxième dan, moi. On m'a envoyé en Belgique pour étudier le vin. Je suis tombé dans le fromage. Aïe, aïe, donc. Hey, depuis ce temps-là, à mes épouses, parce que j'en ai passé plusieurs, dû à ce fait-là, je sens le fromage. On ne sait pas apprécier ce mets extraordinaire venu de la vache. On devrait glorifier la vache. On devrait frencher la vache. L'embrasser avec beaucoup de tendresse. Là. Elle va se passer la langue de sur la vache. La vache, merci la vache de me donner mon fromage. C'est merveilleux. Alors, au début, il devait être un joyeux raisin. À la fin, je suis devenu un senteur de fromage. Non, un quoi? Un évacueur de fromage. Une puanteur en forme de fromage. Enfin, j'avais la forme. C'était au niveau du cheveu, hein? Ah, mon doux Seigneur. C'était le grand cru en haut. Ça descendait après ça avec le gruyère. C'est pour ça que j'avais mis deux. J'avais deux yeux. Je voyais à travers le gruyère. Savez-vous comment ça se fait, le gruyère? Non, mais les trous dans le fromage, savez-vous, c'est quoi? Je pourrais vous le raconter, moi. Je connais ça, le fromage. Mais je ne le ferai pas ce soir parce qu'on est déjà en retard. Mais on met à l'intérieur des sacs en plastique pour condenser le fromage. On met un produit qui fait péter le fromage. Donc, en pétant, ça fait des trous. Alors, il y a plusieurs sortes de trous, comme il y a plusieurs pets. Il y a le pet. Excusez-moi. Oui, il y a. Puis là, il y a l'impoli, le t'es, monsieur. C'est pour ça qu'à l'intérieur, c'est « Ah, lâche-moi ça. À quoi bon faire cette émission? » C'est vrai, je te le dis. Ben oui. Qu'est-ce que le public va... Ben, racontez ça à vos enfants. À quoi bon faire cette émission si on ne s'en rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Ah, t'es, monsieur. Joyeux fromage. De l'absurde aventure, la sûre arrérissure. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagé, Rénald Gagné. Aujourd'hui, c'est la dernière rencontre avec Clio. Donc, nous allons en verser une. OK, on y va ensemble. Un, deux. Pouvez-vous vous préparer, s'il vous plaît? Ouais, bonne. On va demander à la pleureuse. J'ai embauché ma pleureuse préférée. Parce qu'il y en a trois qui n'ont jamais voulu accepter. Là. Rita Biblo, s'il vous plaît. Rita Biblo, on va pleurer. Dernière émission avec notre ami Clio. Un, deux, trois. Mais monsieur, c'est cool. Ah, les piles sont à l'eau. On préférait être dans le fromage, mais c'est à l'eau. Est-ce qu'on peut changer les piles? Pas le temps, pas le moment. On n'a rien. On ne pourrait pas faire ça en direct. Ce serait pas intéressant là, pour le peuple. Là. Où j'ai mis ma petite sacoche avec les piles. Ah, oh, mon Dieu Seigneur. On va pleurer tout seul. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse. Ben, c'est pas une chanteuse. C'est une déshabilleuse. C'est une préposée aux vêtements. C'est une femme de théâtre, de musique, de cirque. Clio Vérin. Clio niche sous les toits de Paris, passe le plus clair de son temps dans les théâtres, traîna un temps sans guêtre à l'école de cirque, prend souvent la ligne 13 en ce moment, déteste l'hiver, adore le camembert. Elle connaît l'histoire du fromage. Mme Vérin. Mademoiselle Vérin. Mademoiselle Vérin, là, elle pourrait m'éduquer là-dessus. J'irai la rencontrer en 2013. Elle va m'éduquer sur le fromage. Elle va m'en amener du fromage. On va en boire du fromage. Non, c'est du vin. On va en boire du fromage puis on va en manger du vin, je te dis. Portez, portons, partout, partous. Portez, portons, voyons. Portons la mêle et bénue, embarquons-nous, pêcheurs. Prends soin, adore le camembert, porte régulièrement une casquette de François Truffaut, migre l'été venu au Festival d'Avignon, aime les rencontres improbables, n'aime pas trop parler d'elle à la troisième personne. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette habilleuse hors de l'ordinaire. Un voyage chargé, la preuve! Вивчатися пізно, йдемо ми на дно. Цей човен поглине, безодня життєва. Ти продовжуєш грати зі мною в пінок. А не плачуть твій острів, та це не суттєво. Лиш півкроку вперед і два кроки назад. Ця система працює, навіщо ж інакше? Почуття всі скінчились, лишився базар. Крізь фарбовані очі я бачу щось. Бачу що? Мила, люба, кохай. кома. Павутиння родини, жоден з нас цього не припинить. Забираю щітку і тапки, крапка. Ця машина не їде, хоча й на ходу аж. Потягнеш пам'ятничок із бетону в гранчиках. Цих пісок, бо скло не дадуть. Той, чиє ім'я згадувати заборонено, лиш півкроку вперед і два кроки назад. Ваша схема працює, навіщо ж інакше? Це ніякий не ринок, це справді базар. Крізь заплющені очі я бачу щось, бачу що. Мила люба, кохана, розриватись не перестане жаль. C'est pas une question d'ego, c'est vraiment... C'est, je sais pas si c'est l'ego, mais c'est quelque chose de... En fait, quand j'ai commencé à écrire pour eux complètement par hasard, c'était un jour de désœuvrement. Okay. J'ai envoyé une phrase. Une heure après, ils m'ont demandé une petite biographie et une photo. Et voilà, et donc j'ai commencé à leur envoyer des trucs et, que j'écrivais. Et c'était un moteur, parce que comme ils prenaient à peu près tout ce que j'écrivais, du coup, ça ah là, t'étais motivé, ils pourront jamais me refuser. Oui, bon, non, mais ça arrivait de temps en temps. Mais là, dernièrement, ils en ont refusé 3 et depuis, j'arrive plus à écrire. Ah, ok, c'est, okay, ah, c'est un blocage. Non, c'est vraiment vraiment quelque chose qui Mais tu peux pas le modifier. Non, mais je sais qu'il faut que je passe outre. Enfin, si j'en ai écrit un dernier là, de texte que j'ai pas envoyé encore, après, je... Je sais pas, c'est dur. Mais c'est difficile, moi, mais surtout que j'ai jamais écrit ailleurs et tout ça. Donc du coup, je sais très bien que c'est pas bien de réagir comme ça, que c'est dommage. Mais tu pourrais ouvrir un blog et l'intituler Les Refusés. Les Refusés. Tout le monde me dit ça, c'est vrai, mais j'ai peur. Ah oui? Ouais. Alors le français? Ouais, pour la magie des mots, pour ce que ça Mais justement, représente. Oui, quand j'écris un texte, j'essaie de pas faire de fautes, ni de français, ni d'orthographe et tout ça. Et je fais peu de fautes d'orthographe dans la vie et j'ai reprogressé en orthographe. Enfin, et voilà, et ça m'intéresse beaucoup de trouver le mot juste, la tournure. Donc voilà, donc oui, le français, j'aime beaucoup. À cause de la finesse. Voilà. Et puis bon, c'est ma langue maternelle. Mais l'anglais, j'aime bien aussi. Mais okay. Je suis moins bonne en anglais qu'en français, mais bon, j'étais pas mauvaise en Mais anglais. Tu peux lire un livre en anglais. Ça dépend quoi. Une version expurgée de Shakespeare, oui, mais pas du Shakespeare dans le texte. Ah hein. Oui, ça c'est plus loin. Ouais. Si tu étais une époque... Oh là. Oh, ben il y en a plusieurs que j'aurais bien aimé... visiter certaines époques, après pas y vivre vraiment. Quoi, pour rencontrer les acteurs ou... Non, pas juste les acteurs, mais j'aurais bien aimé pouvoir faire des tours dans les années 40 par exemple. Okay. Mais revenir à mon époque. Pour la prohibition c'est... Non, ça c'est. Non, okay. La prohibition c'était pas en France. Non, non. Non, c'est en 30, en 1930. Oui, ouais. Puis c'était pas en France. Non, les années 40. Ah, okay, toi, c'est toujours à Paris là. Ouais, okay. Oui, beaucoup. L'occupation, ce genre de truc. Ah, ok, Paris. C'est une période qui me fascine assez. Sinon, le 18e siècle aussi, le 19e siècle, les romantiques, tout ça. voilà. En fait, pour rencontrer Prévert, Hugo et tous ces voilà, gens-là, ouais, ouais. Leur serrer la main puis, et les écouter dans un bar. Voilà, voilà, voilà, poser pour des peintres, genre okay, de truc. Oui, oui, oui, Lautrec et voilà. Oui, voilà, ça. Voilà, okay. Absolument. Okay. Être un peu comme une petite souris puis voilà. Te promener. Voilà. Si tu étais un mot. Ouais. Un mot? Ah, oh, c'est difficile ça. Un mot. Ah, c'est drôle, je trouve pas justement, je trouve pas le mot. Un mot. Ah, oh, je sais pas. Je sais pas, là, j'ai pas le mot qui me vient, mais je vais trouver, mais. Мое имя могло бы звучать иначе, мелодичнее, чем в этих устах жестоких. Ты сказала, что нужен романтик, мальчик, ну и дядя, чтоб твердо стоял на почве. На два фронта, как панда кунг-фу фигачишь. Днем моя ты, и вот и в субботу ночью. Не звони мне, не то ты опять заплачешь. Почему ты мне ответь, ты моя всего на третий. Да коли мне во мне гореть, пошла вон. Да я сошел с ума, вон. Ты все решишь сама. La chanson. Mais t'as pas de culture! Va à l'école! Va t'instruire! Va apprendre! Ça donne des ailes! Comme je dis régulièrement aux amis qui m'écoutent, comme j'en ai pas, je me le dis à moi-même, la culture donne des ailes. C'est pour cela que le trois quarts des gens rentrent. Allô? Ça va bien? T'as aimé toi? Merci. Et puis, à part de ça, ben, la culture, ça donne des ailes. Hein? Ouais, ouais. C'est pour ça que le trois quarts des gens rampent. Oh mon! Ils rampent? Ils rampent par le sol. Pas par le sous-sol, le sol. Le sol très, très, très mineur. Le sol rocailleux. Le sol saupoudré de sable. Le sol inimaginable. Je me l'imagine. Mais non, il est inimaginable. Mais non, je le vois. Tu peux pas le voir. Pourquoi? Il est inimaginable. Allonge-moi ça, toi. L'inimagination, ça n'existe pas. C'est vrai que à ce genre d'émission où on donne l'opportunité à l'absurdité d'entrer par la grande porte, pouvez-vous ouvrir les deux carcans, celle de droite, celle de gauche? Plus celle de gauche, parce que celle de droite, on n'a pas grand-chose avec la droite. Là. Oh, monsieur. Mais c'est, oui, regarde la gauche. Bon. Avec ça, là, l'imaginaire peut rentrer. Rentre. Peux-tu aider-le un peu, là? OK? À droite, OK? Gauche. Comment ça, il n'y a pas de sonnette après ça? Tu sais, les camions, c'est mip, mip, mip. Là, on peut écraser tout le monde. Là. Combien de mots on a écrasé encore? Juste des verbes indéfinis. Oh, mon Dieu. Alors, c'est pas défini. C'est indéfiniment. On va pas finir par les savoir avant la fin de l'émission. C'est vrai, c'est pas le téléjournal ici, là. Pas d'informations, non? Demain, ce soir, au téléjournal, on est déjà la nuit. Ce matin. Aux horreurs boréales. Bon. On peut-tu capter ça quelque part, là? Sur Internet. Moi, je veux pas Internet, moi. J'ai pas intérêt à avoir Internet, mais moi, je vais regarder des choses illicites, là. Il y a des mots comme ça qui viennent à l'idée, là. Obscur, pour voir ce qui se passe dans l'obscurité, hein. La face cachée, là. Tout ce qui est non visible. Tout ce qui est clandestin. Tout ce qui est mal. Tout ce qui fait peur. Tout ce qui est... Hein? Si je suis... Ouais? Non, j'ai pas un... Non, ouais, parce qu'il y a un clavier. Comment que... Avec quoi tu fais... Les doigts, tu te frappes là-dessus. C'est la misère, moi, là. Il y a déjà 10 doigts. Qu'est-ce que tu fais ça avec mes 10 doigts? Il y a combien de touches après un clavier, toi, là? Il y a le piano, 88 touches. Ah, monsieur. Moi, je touche toujours celui du bois, là. C'est celui qui fait pas de bruit, là. Ouais. Je fais pas de fausses notes avec ça. C'est pour moi, là, c'est... comment t'appelles ça, là? Le prélude de Schumacher. C'est la course automobile, Schumacher. Ah, oh, mon... Où je suis, je casse pour, je casse perche. Ah, c'est l'atelier d'improvisation Bukowski's. Kaké. On sent que j'ai mis de la colle. Hein? C'est plus pâteux comme... ouais. Ça, ouais, avant, j'aurais dû prendre une petite gorgée d'eau, mais non, je fais pas de la publicité, c'est vrai. On a fait de la pub, on a dit de l'eau. Ah, oh, mon... Ouais, mais je suis pas la marque d'eau. D'eau du robinet de Québec. La rivière Chinchelité. T'as pas la... J'ai perdu la note. Je l'ai monté, je l'ai descendu. On peut pas recommencer, oui. Chinchelité. C'est un mot que je voudrais te donner. Chinchelité. C'est un mot que je voudrais te donner. Peux-tu te le donner? Va te le vendre. 25, oui. Je vais te prêter ma... Oui. Tu veux pas que ça se... Bon. Ah, t'as le droit. OK, tu... Ah, c'est le temps de pleurer parce que c'est la dernière avec... OK, on y va. OK. Et monsieur, on dirait qu'on traîne une vache, hein? Ah, non, non. Ah, monsieur, ouais. On traîne la vache. On la nommera pas. C'est la vache de la reine. Non, la reine mère. Ah, mon... Là, ici, maintenant, attribuons la... Pas la reine... oui. Ah, ouais. Oh. C'est elle. Trône-t-elle? Toujours. Là, ici, maintenant, attribuons la place. On y doit quelque chose, elle. Ah, oh, mon Dieu Seigneur. Toujours. Québec, la reine. Philariane. Là, on paye. Elle vient faire des visites avec des 3-4 babayes. Bye-bye. Elle repart en jet. Continue à payer. Paye. Liche les billets puis crache-les. Il y en a pas assez. Crache en dos. C'est ouais, crache. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit point de bar. Un petit point, oui. Je vois juste... Hey, attends un peu, champion. Attends un petit peu, mon champion. Hey, c'est un coup que ça donne dans la marmotte. C'est le dernier jour de la marmotte, hein, mande. Hey, je vois des. Oui, la réplique, c'est ça, attends, on y va. On l'a pratiqué 3 semaines, hein. On est bon là-dessus. Les gens vont rire à la bonne place, hein. Je te le dis. Quand on va dire, ça va rire, hey, c'est un succès. On va aller à Broadway. Non, c'est à Broadway, à Broadway, à Broadway. C'est quand même à Paris, mais à Paris, il n'y a pas Broadway. Ah ouais, vas-y, tu vas l'oublier, c'est vrai. Hey! C'est-tu mon Gaétan? Non. C'est bon, ça. Avant de le savoir, tu dis non. Gaétan? Non. OK, Gaétan, il y a eu comme un décalage. T'es-tu au Népal? Non. OK, t'es à côté de moi? Non. OK. Alors, t'es pas là? Non. Bon. Hey, Gaétan? Non. Bon. Sais-tu la différence? Attends, ça, toi, ça va bien? Non. OK. Il mêle. C'est quoi? Ah oui, l'histoire. L'histoire. Je suis où, moi, là? Je suis ici. Ah, oh, je suis dans le micro. Ah, je suis dans le micro. Allô? Non, devant, je ne peux pas être à l'intérieur. J'ai essayé de me faire construire par mon ami Philippe Perrin. Mon grand ami Philippe Perrin. J'ai dit, construis-moi ça, un micro gigantesque. Tu fais des menottes. Tu fais des... Hein? Non, moi c'est René, c'est mon père. Mon père s'appelle René. Moi, c'est René. En tout cas, c'est moi. Voyons, Philippe. Tu te souviens pas? Hein? On a pris quelques rosés. Oh! On a arrosé les gars. Oh, hein, les gars, c'est ça. On s'est fait arrêter par la police. Hein? Ils nous ont mis tes grosses menottes. On a passé au travers, c'est gigantesque, c'est 15 pieds de haut. Fait que là, j'aimerais ça que tu me fasses, mon petit Philippe, un micro. Une espèce de micro gigantesque. Là, ça va faire un peu étrange parce que normalement, micro, c'est petit, hein? Un micro-sillon. Microscope. Mais là, un micro gigantesque. Alors, un méga micro. Un méga micro. Un méga micro. Voyons. Ah, voilà, ouais. Moi, je vais investir. Là. J'ai un peu d'argent de poche. Je vais me lever pour examiner le tout. Puis tu me construis ça selon mon budget, OK? Je t'appelle mon Philippe, tu reviens. OK. Ici, j'ai... Oups. Ma toilette portable vient de tomber. Le pire, c'est que c'est... J'ai une toilette portable, moi. Mais c'est pas dans le but de l'émission. Non, ça, c'est de l'intimité. Les gens en arrière du micro n'ont pas à savoir où je... Ouais, c'est ça. Alors, ici, attends un peu. Mets quelque chose. OK, ici. J'ai de la monnaie. J'ai de l'argent. Il y a bel argent. Entends-tu ça? Mets le micro comme... Il y a bel argent. Là, j'ai exactement... Moi, c'est en québécois. J'ai de l'argent québécois. C'est pas de l'argent. C'est pas de l'euro. Ça te dérange-tu, Philippe? Tu peux faire ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, c'est de l'argent québécois. J'ai 6 $ et 29 cents. Peux-tu me faire un micro? Moi, je dirais 15-20 pieds. Là. J'aimerais ça rentrer dans le micro. On se rappelle? On se faxe? Micro? Ah, Philippe? Ça a raccroché. On peut, hein, on veut appeler des artistes. On veut les promouvoir au Québec. Ça nous raccroche. Philippe? Oui, monsieur. Monsieur Perrin, c'est... C'est vrai. Bon. Hey, l'histoire, là, c'est ça. Là, on ne pourra pas faire l'improvisation avec mon ami, là. Après la pause, il n'y a pas de pause. Après la musique, il y a de la musique. Ça va bien. Il n'y a pas de pause, mais il y a de la musique. Quoi qu'on peut en faire une pause, là, un silence. Aimeriez-vous ça? Ça stresse du monde, hein? Regarde-moi le régisseur, là. Et ben, ça ne réagit plus, là. Ça réagit. Le régisseur réagit. J'ai jamais vu ça, réagir. Normalement, c'est là. Derrière la console, là, quand ça s'arrête, hey, qu'est-ce qui se passe? Hey, il paye sur toutes les pitounes. Ah, Rita lui a demandé de se séparer. Pour de toucher après toutes les pitounes. Mais c'est pas ça l'histoire. Excuse-moi, j'ai eu comme un vague à l'âme. Alors, on y va ensemble? Étais-tu prêt? Non. OK. Sais-tu, moi, j'ai des problèmes oculaires. Oh, mon Dieu. Hey, je vois juste des points noirs. Ça fait ça? Non. Oh, oui, je vois juste des points noirs. Fait que... Là, ta réplique, c'est pas ça, là. Allô? Ça va-tu? Oui? Ah oui, c'est ça. Moi, je veux juste des points noirs. T'as-tu vu un oculiste? Non, non. Je vois juste des points noirs. Wheels is rolling time again. My baby's got a mat on and it's bad again. Wheels keep it rolling. Seems like this is the worst she's ever been. Oh, come on, wheel, let's go, it's rolling. Time again. Hey, wheels, it's rolling time again. My baby's done got tired of me again. Tu étais un aliment. Un animal, un chat. Non, je fais attention pour le prononcer. Un aliment. Un aliment? Oui. Un aliment. Et je disais aliment, puis là, les gens, pardon, les aliments, aliments. Un aliment, de la pastèque. Ah oui? Ah ouais. OK. J'adore les pastèques. OK. C'est que la pastèque, tu manges, tu bois, tu te laves. Enfin, oui. Tu te laves après parce ah, oui, que oui, t'es oui, gluant. Oui. Mais tu peux pas inviter quelqu'un, il y a un premier rendez-vous. Oh, pourquoi pas? Ah oui? Oh, okay. C'est chaud, là. Un peu comme la grande bouffe. Oh non! Non, OK. Oh, non, non, non. Oh, non, non, non. Magnifique film, mais non, non, non. Okay. Non, non, justement, parce que t'es glauque. Non, il y a un côté joyeux à manger de la pastèque, okay. Je trouve. Il ben, y a des moments joyeux dans ce film-là aussi. Là. Oui, oui. Oui. Joyeux. Ben oui, je crois que si. Il y a un côté festif malgré tout. C'est... Non, c'est festif, mais je trouve pas que ce soit joyeux. C'est. Okay. Ben non, je non, veux dire. Non, j'ai dit des moments joyeux. Je sais pas dit que c'était un film joyeux. C'est... Non, non, je okay. veux pas dire. Ben non, maintenant, le but, c'est qu'ils en meurent. Oui, ben oui, oui, oui, oui, oui. Non, mais c'est. Ok, pastèque. Pastèque, ouais. Ok. Okay. Si tu étais une saison. Ah, le printemps. Ok. Comme bon, on se sent à peu près dans ce climat-là aujourd'hui. Non, il fait trop chaud. Là, il fait chaud! Ah, j'aime pas la chaleur, j'ai horreur. Là, t'as chaud, tu vois. J'ai ben, horreur là, du chaud, de la chaleur, j'ai horreur du froid. Dans le métro, j'ai mais là, trop c'est chaud. Pas froid, là, selon toi? Il fait quoi, 19 degrés? Oui, là, c'est très bien pour moi. Il fait quoi, 18, 19? Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, ça va. Mais dans le métro, il faisait trop chaud. Mais, OK. J'aime, ah, j'aime mais c'est les senteurs aussi. La chaleur, ouais, métro, ouais, ouais, il y en non, a non, qui. Ouais. Tu sens que l'hygiène est. Et pas toujours d'amis. Alors, si tu étais, ben tu en parlais, mais si tu étais un membre corporel. Enfin, comme membre, une main un membre, ou un pied ouais, ouais, ou un œil ou ben une. Oui, oui, un membre, vraiment. Je sais pas. Je sais pas, une bouche, je dirais. Pourquoi? Pour manger ton pastèque? Oui, non, c'est non parce que justement, enfin, avec la bouche, tu peux faire plein de trucs. Tu peux parler, tu peux manger, tu peux embrasser, tu peux voilà. Ah, ça sert à tout. Voilà, peux sourire. Oui, oui, oui, oui, c'est vrai. OK, une bouche. Si tu étais un moment de la journée? Je dirais... Alors que je suis une grande lève tard. OK. Je dirais le matin en été, quand il y a du soleil. Comme là. Voilà. Okay. Non, mais là, c'est mais pas moi le qui matin. T'ai réveillé. Non, mais je t'ai réveillé. Mais oui, oui, mais oui, okay. C'est parce que là, en ce moment, comme je travaille beaucoup, je suis fatiguée. OK, oui, ben oui. Mais tu te couches tard au théâtre? Tard. Oui, oui, oui, je finis pas très tard la pièce, mais bon, là, j'avais mon pénac et j'ai lu à peu près jusqu'à 5 heures du matin. Ah, donc, c'est de la faute de pénac. Voilà. Ah, merci, ben voilà. Pénac. OK, oui, merci. Ouais, merci de me faire coucher tard. OK. Si tu étais un autre individu? Un autre individu? Tu veux que je te donne un nom? Oh, oui. J'étais un autre individu. Non, je suis assez unique, alors je peux pas être quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Sinon, Non, non, c'est, non, non, ça, non, ça fait prétentieux de dire non, non, ça. Non, non, ben non. I'm giving you back to the world, girl. I'm sending you back from where you came, dame. Giving you back to your mother, lover. I'm giving you back to the world, girl. You deserve each other, baby. I'm sending your clothes back in a sack, Jack. I'm putting you down in your town, clown. Giving you back to your daddy, fatty. I'm giving you back to your world, girl. You deserve each other, baby. You deserve each other, baby. Baby, baby, baby. It's the same old story told. You deserve each other, baby. Baby, baby, baby. You're cut out from the same mold. I'm returning your kisses, missus. Here's your dreary old tear, dear. I'm giving you back to your pals, gal. Giving you back to your world, girl. You deserve each other, baby. Dernière, j'ai fait un rêve épouvantable. J'étais une pomme de terre de Saint-Amable, arrachée à ma terre natale, déportée à Montréal. Un gros camion me dompe à la station de télévision. Les caméras tournent, on fait jouer la petite toune, puis le bourreau fait son apparition. Oh non, c'est pas mon Dieu! La cruche m'épluche, la torche m'écorche, puis dans l'eau bouillante elle me plonge. Quel horrible songe! Je me réveille en sueur, je tremble de frayeur. Pour me remettre d'aplomb, je me traîne jusqu'au salon. Transi, je m'assis, j'appuie sur le piton, mais la malédiction. Oh non, c'est ma mendiant en proie à la folie. Je sors de mon logis et je me réfugie. Oh dépanneur, oh dépanneur. J'achète des meilleurs king size, mais à côté de la caisse, elle est là qui me guette à la une des convenettes. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, ma mendiant. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, ma mendiant. Fuck tes recettes, pis fuck tes chandrons. Fuck you, ma mendiant. des tartes aux fraises. Elle fait des tartes aux framboises. Elle fait des tartes qui nous enchantent. Elle a même déjà fait une tarte qui chante. M'en va chez ma mère, elle me fait une tourtière. Elle me dit ça va être bon, j'ai pris ça à ma mendiant. Non, non, non, comment fuir ma mendiant? Une seule solution semble sur la fuite dans les drogues dures. Je cours chez mon pocheur, je passe devant le club de danseurs. Qui sait que je vois faire la queue? Ma mendiant s'en va faire des queues. Je drape deux, trois buvards, j'ai des hallucinations. Qui sait que je vois dans mes cauchemars? Encore ma mendiant. Non, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Si nous ne faisons pas attention, comme Maman Dion, Stéphane Dion, Lise Dion et Benoît Dion, le garçon, un jour nous serons tous des Dion. Il y aura Yasser Aradio, Georges W. Dion, Luc Plamondion, Gérard Depardieu, le Dion, Maman Dion, Maître Dion. Nous danserons des rigodions, jeudi Dion, vendredi Dion, samedi Dion. Nous danserons le disco Dion, nous ferons des manifestations, nous scandrons. Non, non, non, non. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, vous écoutez des chansons et des textes qui ne passeront pas vers le ciel, mais directement en enfer. Bravo! Non, imbécile. Homme de peu de foi. En parlant de foi, je pense m'en faire une. Une crise de foi? Oui! Ça ne me surprendrait pas. Et de l'orgie musicale, de l'orgie radiophonique. Vous irez, comme je l'ai dit tout à l'heure, en enfer! Bravo! Espèce de machiavélique personnage. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil. Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Là, c'est le temps, on va rentrer. C'est le temps. Le titre, non, c'est la phrase. Ben, messieurs le Molesnien, laissez-moi vous dire que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne tout ça. Là. Ça débute par le titre de la nouvelle de M. Lénine. Pas Lesnine, Minosnine, Almanine. Janine, comment il s'appelle, le monsieur? Bukowski. Minomni. Minkmi. Mini. Bukowski. Minomni. Minomni. Dans ton âge, j'ai grandi. Comme tout le monde. Ben oui, j'ai grandi. Il m'a dit, il m'a dit, c'est maman qui m'a dit. C'est pas ta mère qui te l'a dit, c'est Bukowski. Mon astuce, mon âme, c'est mes stèles, mes stèles, j'en vais laisser. Rien de ma réchauffe. Donne-le-moi musical. Oui, oh, laisse ton numéro musical là, toi, là. Le titre, la phrase. Là, je fais la... Est-ce que c'est la phrase? Non, c'est la phrase. Alors, je laisse ça. Vicky était une fille correcte. Et ça, tout le monde le savait. Là. Elle était tellement correcte. On disait, hey, Vicky, ah, c'est correct. Elle était tout le temps correcte. Toujours prête à tout. Hein? Non, toujours prête à la partout. Elle était partante, elle. Vicky était une fille partante. Partie partout. Elle est partie partout. Non! Elle est ici. OK. Alors, Vicky, on le sait, elle s'appelle Vicky. C'est un beau prénom, ça. J'adorerais avoir une Vicky dans ma vie. Avoir une fille qui s'appelle Vicky. Avoir. Être et avoir. Alors, Vicky, j'ai vécu toute ma vie avec Vicky. Sauf que Vicky ne vécut pas avec moi. Elle ne cherchait pas à me connaître, moi, son époux. Quoique, n'ayant pas de cheveux, comment je pouvais être son époux? Ah, mon Dieu, ne fais pas de lien avec Pou. OK. Alors, Vicky était une fille correcte, mais on avait nos problèmes. Ben oui. Moi, surtout, j'avais un grave problème. Je vivais avec Vicky. Vicky, elle vivait quelque chose d'exceptionnel avec moi, là. Tout le monde vit des choses extraordinaires avec moi, là. C'est toujours les autres qui sont en tort, là. Mais moi, jamais, monsieur le juge, monsieur le juge. Monsieur le juge, je me présente. Garçon de Vicky. OK. J'ai rencontré ma douce Vicky sur la plage de Vichy. Oui, je sais, vous allez me dire, il n'y a plus de plage à Vichy. Vichy beaucoup, je le savais. Et je n'ai jamais cherché non plus à trouver la plage à Vichy. Quoi qu'il y avait la mer de Vichy. Mais j'étais sous l'eau de Vichy. Oui, c'est mon dos de Vichy. Ah, mon dos. Mais ça m'amène des roues, moi. Est-ce que c'est normal? Et puis des ballonnements au niveau de la poitrine. Vicky était habituée à avoir des ballonnements au niveau de la... Ouais, OK. Mais, monsieur le juge... C'est une fille espiègle, vous le savez, hein? Avez-vous lu son dossier? Ouais. 3 pages et demie, hein? 3 pages et demie sur lesquelles on peut lire nombriliste pendant 3 pages, hein? Est-ce que j'ai menti, monsieur? Hein? Ouais. Ah, oui, j'ai menti, OK. Et moi? Avez-vous lu mon dossier, monsieur, là? Ouais. 28 pages et demie. Qui indique qu'il est bon et juste. Il est bon et juste. Hein? Est-ce que j'ai l'air d'un être bon et... Ouais. C'est juste ça, oui. C'est juste mon âme, oui. Mais là, on peut pas se divorcer, nous. Puisqu'on n'est pas mariés. Mais encore plus fort que ça, monsieur le juge, parce que je tiens à vous dire qu'il y a encore... C'est comment t'appelles ça au théâtre, là? C'est le cul-de-sac. Mais non, le cul-de-sac, c'est sur la route. Là. Quand il n'y a plus rien, c'est un cul-de-sac. Non, c'est un coup de théâtre. Oui, il y a un coup de théâtre. Connaissez-vous ça, le théâtre, monsieur? Oui. Bon. Allez-vous au théâtre? Oui. Et vous, là, vous devez être un être shakespearien, hein? Oui. Oui, le drame, les cris, là, les pleurs, là, c'est vous, hein? Oui. Ah, moi, c'est le rire. Oh, j'aime ça. C'est Ionesco. Non, pas Ionesco. Oui, les frappes qui tremblent, non? Les frappes qui tremblent. Les portes qui tremblent. L'absolu. Ouais. Ben oui, c'est ça, madame. Bon. Est-ce que j'ai le droit d'en placer une, là? C'est à qui, cette émission-là, là? C'était à vous, ça? L'avez-vous acheté? Ça s'achète pas, ça. C'est comme moi, je m'achète pas. Moi, il y en a 2 millions, je m'achète pas. Je fais pas n'importe quoi en bas de 2 millions. 2 millions de baisers. Ah! C'est pathétique. C'est pas ici, non. C'est ailleurs. Dans un autre ailleurs. Tellement ailleurs qu'on l'a pas encore trouvé. Essaye de trouver ton ailleurs, toi. C'est où? Ben, c'est pas ici. C'est ailleurs. Ah! Mais là, nous étions trois. Est-ce que c'est ça? Nous étions trois? J'ai pas dit le titre, j'espère, là. Une fille correcte, mais en avait pas. Mais oui, l'imbécile, il vient de le dire. Non, c'était 3 poulets. 3 poulets s'en vont bêtant. Thank you. t'es atypique, t'es pas madame tout le monde. Je crois que je suis un peu atypique. Ouais. Donc, non, je vois pas. Ok. Une princesse. Oh, ça, c'est les filles, hein? Incroyable, une princesse, côté féminin, hein? Que ce soit partout, hein? Au non, Québec aussi. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, mais une petite fille. Ah oh, mais oui, mais je suis une petite fille. Oui, c'est ça, alors tu joues à la princesse. Ouais, voilà. À la reine du monde et tout. Là, ma dernière question, faut que je... parce que c'est la question 2012. Ah. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? À peu près, ouais. Mais avec des modifications, ça? Forcément, mais pas grand-chose, je crois pas. Tu assumes tout? Non, mais ah oui, non, autant non, j'assume, au niveau... j'assume tout, non, peut-être que... Peut-être au niveau du travail, au niveau de l'amour, non. Au niveau familial. Au niveau... Alors, ce que j'aurais fait, c'est... j'ai une de mes meilleures amies qui habite en Irlande depuis très longtemps, après le lycée. Peu de temps après le lycée, elle est allée s'installer là-bas. Et on se voit à peu près tous les 6 mois. Et quand moi, je faisais ma fac d'histoire de l'art, elle faisait lettres modernes à la Sorbonne. Okay. Et elle a lâché la Sorbonne et moi j'ai lâché l'histoire de l'art. Et en fait, quand on se revoit, on se dit, mais on aurait dû faire lettres modernes à la Sorbonne toutes les deux. Ah ben oui, pour éventuellement se retrouver. Et ben voilà, enfin je veux dire, je pense que si je pouvais revenir en arrière, je perdrais moins de temps. Tu zigzaguerais moins, tu irais sur une ligne droite. Non. Ben, peut-être pas non, droite, mais moins. Non, parce que c'est pas intéressant, je veux dire, ce qui fait l'intérêt de la vie, c'est justement les détours que tu oui. prends, c'est les chemins que tu C'est les chassés croisés. Ouais, voilà, c'est les errances que tu as qui t'amènent Ah, c'est bon, bravo. Hein. Dédicace. Oui, c'est ça. Spéciale dédicace sans le savoir. C'est non. Ah, c'était voulu, le mot errance. Oui, les errances. Ah, non, mais c'était voulu de le dire. C'était voulu, mais en même temps, ça tombait bien, tu vois. Tu savais pas quand t'allais la placer, ça... Non, c'est venu un peu comme ça, mais je me suis dit, ça tombait bien. Tu savais qu'elle allait faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Okay. Non, mais c'était vraiment le mot qui correspondait en l'occurrence. Mm-hmm. Errance, c'est marcher sans aucun but. Voilà. J'aime bien errer. Ce que j'aime beaucoup, c'est marcher la nuit dans Paris. Mais errer autant au niveau de l'esprit, de l'écriture, oui, t'aimes-tu l'écriture automatique? En fait, j'écris relativement facilement. Après, j'ai... Non, mais exemple, les mots qui amènent les idées, t'aimes-tu? En fait, c'est quand j'écris, quand je suis dans l'état qui me permet d'écrire. Le processus créatif. C'est comme ça qu'on dit dans le milieu. Non, c'est avant le processus créatif. Okay. C'est... Il faut que je sois quelque chose qui est une petite case, à peu près okay. à cet endroit-là. Si oui, on... okay. enfin, c'est là que je le situe. Okay. En fait. Qui est un endroit où il y a un petit peu de vide. Un tiroir. Un vide, petit okay. truc blanc. Okay. Et c'est là où les choses peuvent se passer, se mélanger et tout ça. Et il y a un mot, enfin, ou un petit groupe de mots que j'entends. J'entends pas des voix, hein, mm-hmm. mais qui se met en place dans ma tête. Et à partir de là, je me dis, ah tiens, je vais mettre ce truc-là, puis je vais faire ça, et puis... Taking you nowhere. Angel, come, little baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Opening doors and pulling some strings. Angel, come baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. And it won't be longer. back of a dream car, 20-foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Once I'm begging you, save a little soul. Golden years, come, come, baby. Don't let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come, baby. Shadows in these golden years. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Golden years, yes. Golden years, L'avocat dit. De qui? L'avocat dit. Alors l'avocat pardit. Non, c'est pardit. Non, non, il le dit, mais c'est maintenant. OK. C'est qui le dit? Mais avocat. OK. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde d'hommes, avec des lois faites par des hommes et pour les hommes. C'est la justice des hommes. Le chant des hommes. C'est un ténor? Oh, moi, je suis un ténor, ténor, seigneur, seigneur, ténor, ténor, seigneur, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, pas du tout. Je ne suis qu'un chanteur de salon, de studio, de studio. Je suis un chanteur de studio. Le chant des hommes. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, la moindre fissure, embouchure, angle. Afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, c'est les oiseaux. Sinon, c'est les oui, mais les petits. Oh, c'est les petits oiseaux, les petits oiseaux. Les petits oiseaux, ils font des petits. Avec ton tutu, tu fais le titi? Non, je fais le petit oiseau. Heureusement que c'est radiophonique. Les gens ne voient pas ton tutu. Ah, merci beaucoup. Il me va bien. Ben moi, c'est le blanc et le jaune rayé à peau. Ah, ça donne mal au cœur quand je tourne. Hein? Regarde. C'est beau, hein? C'est beau. Ouais, c'est beau. Alors, donc, dans le château de l'Assemblée de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot, le verbe. Le verbe. Ah, c'est bon, c'est excellent. Le succès. Le mot, le verbe, cliente. Moi, le gigolo, client, c'est client. Je sais que c'est Clio, mais moi, c'est client. Oui, Clio de Vérin, c'est mon invité, mais c'est cliente, l'improvisation. Vous n'avez rien compris, hein? OK. J'ai choisi un mot. En fait, il y a un mot qui m'a été choisi par l'eau de l'as, qui a descendu sur cette terre, qui a rentré dans ce studio, qui s'est dirigé vers mon cartable et qui a glissé un mot sur une feuille. C'est beau, hein? C'est la vérité. Monsieur, c'est la vérité. Je ne dis que la vérité, rien que la vérité, et je la bourre. Non, je ne la bourre pas la vérité parce qu'elle est déjà pleine. Elle est pleine de vérité. C'est pas des. On ne fausse pas les routes ici. Nous tentons les amener dans la légitimité. Sans pour autant la faire zigzaguer, puisque plus tu zigzagues, plus il y a un risque d'accident. Et quand il y a des accidents, il y a des morts, des blessés. Et encore pire. Qu'est-ce qu'il y a de pire que la mort? Ben, tu peux être estropié. C'est pire que la mort, être estropié. Ma cliente, moi. Oh, vas-y, c'est le mot client. Oui, ma cliente, moi. Oui, le mot, c'est client. Il est ma cliente, moi. Mais la cliente, t'es qui, toi? Je suis client de la cliente. Oh! Parce que c'est elle qui m'a choisi. Ah, c'est bizarre. Mais non! Pourquoi c'est bizarre? C'est normalement, c'est... Moi, je suis disposé et on peut me choisir. Choisir comme quoi, comme qui? Comme moi, là. Ben, c'est clair, c'est très clair. Alors, ma cliente, moi. OK, vas-y, raconte. Ben, je te raconte, là. Arrête de m'arrêter. Non, tu t'arrêtes tout seul, c'est vrai. Moi, c'est comme le feu rouge. Je sais pas, il y a personne qui m'arrête, mais la lumière me... Samedi, je sais, et en plus, nous sommes samedi, non, nous sommes vendredi, mais samedi à moi, le rouge, l'inconscient, le surmoi, arrête. Je vois le flic dans ma tête. Arrête, le surmoi, arrête. Parce que le ça, là, ça dit, ah, oh, on va passer, on est délinquants, c'est une mission anarchiste, on roule ça à rouge. Mais là, pendant ce temps-là, il y a une autre voiture qui arrive. Ta cliente se fait tuer. Sur le vif, là. Elle écoutait du Charles Trenet. Il y a de la joie, bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Là, l'imbécile qui était dans le Motorhead, là. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, il avait le Motorhead. Non, non, non, non, non, non, lui, elle, il y a de la joie. Lui, non, non, non, non, non, il y a de la joie. Pow! Ça... Imaginez-vous une première partie Motorhead, puis après ça, Charles Trenet. Impossible, impossible. Incompatibilité. Incompatibilité. C'est comme cette histoire-là, là. Ça n'arrivera jamais, on ne la souhaite pas. Parce que ma cliente m'a dit, si ça finit mal, cette histoire-là, là, je vous paye pas. Je dis, ah, c'est payant, ça, c'est, vous allez me donner. Non, non, mais on va parler de votre émission. Oh, c'est de la publicité gratuite? Non, non. On va. OK. Et ensuite? Ben, nous irons. Ben, OK, parfait. Et ce sera comme ça jusqu'à ce que ça... Hein? Ben, merci, madame. C'est très clair. Moi, là, j'ai... Quand je comprends trop, là, j'ai comme un mal de tête. Quoi que j'en ai pas, là, mais c'est un bourgeonnement de la gale. Ben oui, en haut, c'est avec du poil, la gale poilue. Et là, ça, c'est souffrant. Oh. Ce soir, chemical change. You've shot the warning. I'm alive. Wake me warm. Let me see you. Smiling in my room, you know, you'll be inside of my mind soon. Sick on the holy dregs and their constant getting throw up on his leg. Molly's gone to blazes, Boylan's crotch amazes. Any woman whose husband sleeps with his head all buried down at the foot of his bed. Mother's farm. War's good business, so give your son, and I'd rather have my country die for me. Mm-hmm. sell your mother for a cushy bar, grow up looking like a cadaver. All you wanna do is live, all you wanna do is give, but somehow it all falls apart. Mais alors, tu n'as pas d'idée, c'est les mots qui t'amènent les idées. Oui, ou alors parfois je me dis, tiens, j'écrirais bien un texte sur ça ou okay, sur ça. Ok, mais là, c'est déjà l'idée. Donc, tu vas structurer des mots à travers ça. Ouais, mais bon, c'est assez. Je marche assez sur la sonorité des mots. Ah, en fait, un peu comme une parolière, quelqu'un qui écrit une chanson. C'est assez différent parce que j'arrive pas à écrire des chansons. Non, mais il faut que ça sonne. Il faut que ça sonne de toute façon. Il faut que ça s'enchaîne. Il faut qu'il y ait une espèce de fluidité. Et j'essaie pas d'avoir un style. J'essaie de faire. Quelque chose d'assez efficace en fait, quelque chose qui t'amène d'un truc et ben, je sais pas si tu en as lu des petits textes que j'écris. Oui, oui, je prends oui, un personnage fictif. Fictif ou pas? Mais qui est toi très souvent, hein, on le voit à travers le. Oui, non, mais après je joue avec ça, mais oui. C'est. Après, c'est pas. Faut pas tout prendre au pied mais de la lettre non plus. C'est pas non plus de l'autofiction. Non. Ok. Non. Non, non, non, presque non. Pas. Non, non, non. Après, je veux dire, je mets de moi-même peut-être dans des endroits où on s'y attend absolument pas. Il y a certains trucs, personne sait que je pourrais savoir que je parle de moi parce que c'est quelque chose d'hyper anecdotique mais qui représente un truc important. Mais c'est, pour moi, mais c'est aussi des observations. Beaucoup d'observations. Non, c'est plutôt quelque chose, des choses que je ressens. Ok. C'est pas vraiment de l'observation aussi. Après, ça peut. Ça peut une idée, ça peut venir parce que tu observes une scène dans la rue. Ou ça peut nous faire croire que c'est de l'observation. Oui, voilà, mais après, ça, après c'est forcément des choses que tu as en toi. Et, mais j'aime bien les confrontations entre des univers super différents. C'est pour ça que je mélange deux univers théâtraux. Ou alors, et c'est ton univers aussi. Bien sûr. Ah, ouais. Bien alors, sûr. C'est des personnages que tu connais. C'est bien des... sûr, ah, ouais. Bien sûr. Mais oui, mais après, je peux tricher aussi et prendre un personnage de théâtre que je connais pas énormément et en faire quelque chose quand même. Non, mais tu pourrais pas parler, exemple, de, je sais pas, de travailleurs de la construction, des gens qui travaillent, qui bâtissent des maisons parce que c'est pas ton univers, tu les connais pas. Ben, si je voulais écrire un truc là-dessus, je me renseignerais, mais quand j'écris, ça me permet de faire des recherches aussi, enfin, je recherche dans mes bouquins, évidemment, mais parfois, je vais aussi sur Internet pour avoir des trucs un peu plus... Enfin, pour avoir un autre point de vue et pour avoir un truc un peu plus, parfois, un peu plus pointu que... Pardon, qu'un bouquin, quelque chose d'un peu plus... Je fais le geste, ça se voit oui, pas oui, tellement. Oui, oui, oui, non, non, mais on sent... Plus synthétique, voilà. Et c'est ça que j'allais dire, mais je crois que ou schématique. Synthétique, ok. Synthétique, en fait, je crois que je dois avoir un esprit assez synthétique. Enfin, j'arrive pas à écrire long, enfin, j'ai jamais réussi, même les dissertes en classe. Alors, tu serais loin d'être Proust. Non, je peux pas, je peux pas faire long, c'est... Des nouvelles, courtes nouvelles, il faut que tu sois punch. Ouais, je pense que c'est il faut ça. Que ça punch. Mais d'ailleurs, c'est parmi les choses que j'aime le plus lire, quoi, les nouvelles. C'est quelque... J'aime beaucoup cette idée de rentrer vraiment dans un univers et d'en sortir complètement et de passer à autre chose. Une ligne médiane et non pas plein de... Ouais, voilà, je serais incapable. Après, je veux dire, j'adore Hugo, quoi, tu vois. Donc, Les Misérables, on ne peut pas dire que ce soit d'une nouvelle. Non, non, effectivement. C'est une saga. Oui, oui, complètement. Mais c'est pas parce que tu écris des nouvelles que tu ne vas lire que des nouvelles. Donc, non, bien sûr que non, mais c'est vrai que les nouvelles, enfin, parmi mes bouquins. Mais c'est le parent pauvre, hein, la nouvelle en littérature, puis la poésie aussi. Ouais, oui, après la poésie, j'ai plus de mal à en lire, mais bon, enfin, ça dépend. Ce que je lis en poésie, c'est surtout Baudelaire, quoi, parce que. Ah oui, il est classique. Je suis super classique. Ah, ouais. Baudelaire, mais Barbara aussi, c'est classique. Ouais, voilà, mais c'est. Oui. Ouais. Donc, oui. Mais je suis super classique en fait. Non, mais j'aime des trucs plus contemporains aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est les choses que j'ai écoutées très jeune. Mais j'écoutais les Stones aussi quand j'étais toute petite et je l'écoute encore. Hein. Anything. more time life covers. She follows newsprint anywhere it leads, but still she can't seem to read, and nobody knows, and nobody knows what she over. When the music's over, yeah. cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends, a lie she cried, waiting for me outside. Before I sink into the big sleep, I want to hear the scream of the butterfly. Come back, baby, back into my arms. We're getting tired of hanging around, yeah. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near, yet very far. Very soft and very clear. Come today, babe, come today. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered, ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn. And tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. Now, is that any way to behave at a rock and roll concert? You don't want to hear that for the next half hour, do you?

Souchon ou d'autres. Non, pas Souchon. Enfin, okay. Je veux dire, c'est pas. Non, Sardou. Non, jamais de la vie. Non, non, mais j'ai pas dit Sardou. Ah, je crois que t'avais dit Sardou. J'ai dit Souchon. Ah, t'as dit Souchon et ensuite t'as dit quoi? Ah, j'ai ciblé. Je crois que t'avais dit Sardou. Ah, non, mais c'était peur. Le S. Ah, non, non, pas Sardou. Ah, non, non, ah, non, non, non, non, pas Sardou. Alors, la pire chanson, si on veut faire jouer Sardou là. Oui, si on veut faire de l'anti-Clio, ça serait quoi? Ah, je sais pas. Attends, je vais vomir, j'ai mal au ventre. Ok, bon, on va oublier. Ok. Même pas laquelle, donc? La fille du régiment. Yark! Ok. Ah non, arrête, arrête, je vais l'avoir pendant 3 mois dans la tête. Ah oui, ah, c'est bon, ça. Oh. Ok. Non, non. Bon. mais dans les contemporains, il y a pas, je sais pas, un qui... Biolay qui plaît. Benjamin Biolay. Je connais pas des masses, si, c'est Camille. Pas mal. C'est pas mal aussi, mais c'est pas ma tasse de thé. Mais c'est bien, je trouve ça bien, je trouve ça intéressant, mais c'est pas ce que je vais écouter. Mais qui te quel chanteur tu irais voir sur scène? Bah, je suis pas fan des concerts parce que déjà j'aime pas la foule. Ok. Je deviens. Oh, mais non, mais toi t'es derrière, donc tu la vois pas la foule. Oui, non, non, mais c'est ouais, non, mais j'aime pas les regroupements de gens. Ok. C'est. Mais et comme ici, pas ça va, là? Ici, non, ici ça va, non, okay. Non, il n'y a pas de foule. Okay, okay. Non, mais je veux dire, les heures de pointe, je déteste. Les concerts mondés, je ne supporte pas. Et okay. J'aime pas, alors, j'aime pas les si jamais. Ah non, je déteste okay. Ça. Et les... si, j'y suis allée une fois, il y a très longtemps. Voir qui? YouTube. Avec ma sœur. Oui, oui, bien sûr, avec ma sœur. Ok, elle aussi adorait YouTube. Ah non, adore ma sœur adore YouTube. Encore aujourd'hui? Ouais, ouais, ouais. Okay. Mais moi, non, j'ai jamais été fan de YouTube, mais je trouvais que c'était pas mal. Ok, tu suivais ta sœur. Oui, voilà, on était allés en groupe et puis voilà. Mais non, non, les concerts, c'est pas mon truc. Et puis c'est trop fort, et j'ai les oreilles fragiles. Oh, tu mets des bouchons. Ouais, mais dans le métro. Oui, oui, c'est ça. Oh, mais là, ça, bouchon aussi dans le nez, ça serait bien, c'est partout. Mais... Ouais, mais bon, mais c'est ce que j'ai là. ah, mais c'est vrai. C'est vrai, non. Non, mais des écouteurs. Non, c'est des trucs pour... Oui, oui, mais ouais. Tu peux écouter. T'entends les bruits, mais c'est assourdi, quoi. Oui, non, mais non, avec j'ai... des écouteurs comme moi, là. Avec des écouteurs? Oui, un baladeur, tu peux écouter des émissions de radio. Ah oui, oui, si c'est pas fort, oui. Mm-hmm. Oui, bien sûr, il ne faut pas que ce soit trop fort. Mais il n'y a aucun chanteur contemporain, si je veux terminer sur une chanson. Ou une chanteuse contemporaine. Mais non, mais je suis nulle en musique. Non, mais à la radio, quand tu écoutes France Inter, il n'y a pas quelque chose. Mais j'écoute pas tellement France Inter, j'écoute beaucoup FIP, en fait. OK, oui. Et... Non, moi j'aime Charlotte bien. Gainsbourg, non? Non, pas spécialement. Enfin, je trouve pas ça mauvais ou quoi, mais c'est pas... Alors, il n'y a rien. Attends, mais si, il faut que je trouve un truc un peu... Ben oui, mais francophone. Hein. Francophone? Ah merde. Oh non, mais anglophone d'abord. Je sais pas. Mais non, mais j'aime des vieux trucs, moi, je sais pas. Ah oui, des vieux, ok. J'aime Django. Django Reinhardt? Ouais, okay. Chet et tout ça. Ok. Miles Davis, en vrai. Ouais, évidemment. Ah oui, ok, ben, voilà. Non, mais non, tu vois, je suis super classique. Oui, en fait. Oui, oui. Mais oui. Non, mais non, mais il y a des trucs plus modernes que j'adore aussi, mais voilà, j'ai mais pas des vivants. Des vivants, oui, non, mais il y en a des biens, je sais qu'il y en a des biens. Mais t'écoutes pas Biolay, Benjamin Biolay? Non, pas vraiment, non. Non, non, pas vraiment. Ah, oh, oui. Non, mais c'est bien, je trouve ça bien, j'aime bien en entendre, mais... Mais t'as pas des amis chanteurs? Ah oui, lui... Non, j'ai pas tellement d'amis chanteurs, j'ai surtout des amis comédiens. Ouais. Bon, mais on va se laisser sur un silence d'une minute, est-ce que c'est trop? Ah, non, parce que sinon... À la radio, j'adore. J'aurais été obligée de chanter, c'est ça? Ah, mais vas-y. Oh, non, non, ah non, non, okay. Ah, non, non. Ok, non, non, mais le silence à la radio tue, donc j'adore le silence. Mais ouais, puis là, c'est un silence qui est quand même relativement... bruyant. Voilà, hein? Atmosphère. Un peu relatif. Alors, on se laisse avec la musique de bistrot ou de café. Non, vas-y, chante une chanson, toi. Ah non, non, moi je peux, il n'y a aucun problème. Hey, vas-y. Non. La fille de régiment, la préférée non, du capitaine. Non, chante du Brassens, plutôt. Ah, mais non. En mi pueblo sin pretensión, tengo mal reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me pudo levantar.